stato percorso. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, le 89.1, Gaëtan Gosselin au microphone. Grand plaisir de vous retrouver et de vous accompagner ce soir jusqu'à 22h. Je vous propose une petite excursion inspirée par le label de disques Erratum Musical. C'est un label d'origine française qui diffuse des projets de création au carrefour de la poésie sonore et des musiques expérimentales. Un label dont le titre, d'ailleurs, Erratum Musical, fait écho à la première œuvre musicale ou sonore de Marcel Duchamp, intitulée Erratum Musical, une partition à trois voix créée par Duchamp lors d'un passage du Nouvel An à Rouen, en 1913. L'histoire retient qu'il composa cette pièce vocale avec ses deux sœurs, Yvonne et Magdeleine, toutes deux musiciennes. On raconte qu'ils ont pris et chanté au hasard 25 notes sorties d'un chapeau, notes enregistrées dans la partition selon l'ordre du tirage. On sait désormais que pour Duchamp, faire de la musique signifiait aller au-delà de l'exploration technique de la composition musicale, philosophie que partagent, vous l'avez compris, les animateurs du label Erratum Musical, conjuguant ainsi des profils artistiques qu'on peut qualifier d'atypiques. On les nomme accidentés du sonique, expérimentateurs du bruit, transgresseurs de musique formatée, je les cite évidemment. Et pour illustrer tout ça, on va écouter ce soir des enchaînements de pièces tirées de cet album. Et on commence ça en compagnie des poètes sonores Antti Grey, connu sous le nom de AGF, Atto Tanaka, Jacques Demarque et François Epley. Alors on écoute ça. Das Drachen, ein heller Lichtkegel, reißt mich aus dem Totenstill. Mit beiden kralle ich mich zurück, ungeduldig. Das Drachengold ist kalt. Wird es mich halten? Oder vielleicht... Irata? Oder vielleicht vertauscht werden? Freeze. Memory. Identified. An erratum. Freeze. Out. Global dynamics. The planetary system. XML 1.0. Second edition. Specification. Errata. Abstract. Identified. Pirata, Pirata, System. And the system hangs. May lose. Freeze. But reboot. Specification. Pirata. Abstract. For updates. Oder vielleicht. Ich mich zu get it up. Reißt mich aus den beiden. Kalt. Ein heller Licht. Drachengoldbein. Kralle ich mich zurück, ungeduldig. Das Drachengold ist kalt. If this occurs and the system hangs, you may lose. Freeze. Try a hard reboot to get it up. Thank you. Om Stren, Reng Shen, Kui Wa Luo, un Kui Shua Wa, Du Lao, le Wang Wei. C'est le signe. Ye Ching, Chung Shang Kong, en chinois, Ching signifie paisible, montagne vide au printemps. Ye, c'est la nuit. Ntou Sham Kui, lune se montre. Tu es Chou, qu'elle dit. Yue Chu, Ching Shan Niao. Niao veut dire oiseau. Tsing soigne Nieso, tellement qu'il a peur. Screaming, Shi Ming, Chung Cheng Chung. School, des chênes, Yong, cascade vive au printemps. Oh, rime ses lettres E, B, T. Oh, N et j'aime. Langue qui stocke, hop et oka, oka, oka, oka, oh, langue qui stocke, pi, hip, stupra, stupra, stupra, stupra, langue qui stocke, rample, ramfle, langue qui stocke, zou, lim, trai, lymphe, truffe, l'œil, langue qui stocke, trouble, pipo. Ziziou, bagou, petit bout, la rouge, zaoum, qui brouille, zaou, aho, langue qui storque, hop, et stupra, stupra, stupra, stupra, angs, qui mord, creux. Foule d'oiseaux, tchung, niao, kao, fei, ching, lao, frêle, fil, le lipo, couille, une, Yun nichifi cumulus, puisque nuage, pluie, égale coït. Ku yun, tu chu xing. Tu chut, flemme, attend se contempler. Jambes, kan, xiang, kan, liang, pu yan, langue, pousse, lian. Liang, c'est lier langue, à deux donc. Si o siu, chichit, femme. Chi yo ching ting shan. Ching ting qui trinque ding en un mot révérencieux. Xun sul charme. Thank you. Vous êtes sur les ondes de CKRL. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. On écoute ce soir des créations de poésie sonore diffusées par le label Erratum Musical. Et pour compléter la première demi, je vous propose une magnifique création de Jocelyn Robert, bon créateur sonore de Québec, bien connu, une pièce intitulée « Quelques écarts de la voix de Laetitia ». C'est une création qui illustre à merveille ces pratiques dites transversales des arts sonores contemporains, des arts sonores actuels. Comme le soulignent très justement les animateurs du label Erratum Musical, on ne recherche pas les juxtapositions entre poésie et musique, mais leur potentiel fusionnel, le croisement, les glissements, les interzones et autres interstices rares, l'indicible alliage ouvert et sensible entre les différentes vibrations vocales. Je referme les guillemets. On écoute « Quelques écarts de la voix de Laetitia », une création de l'artiste sonore Jocelyn Robert. Il n'y avait rien, c'était vraiment un corridor blanc avec un plancher de tuiles, une petite chaise droite. La maison, on la voit pas. Ouais, ça, je m'en rappelle pas. Non. J'ai aucun souvenir des couleurs. Et sa femme qui était folle, qui criait, puis qu'on voyait jamais. C'est intriguant. Et lui qui est devenu très, très religieux. Un petit monsieur qui était... Et aussi... Puis beaucoup plus facilement que c'est un grand rectangle pour avoir quelque part qui avait un petit monsieur qui était puis un pour petit monsieur qu'il était, avait puis côté. Il y avait... Je sais pas, donc c'est comme... un peu plus... Ah ouais. Mais c'est une extension au champ, la cour. Je sais pas, c'est comme... C'est intriguant. Quelque part. Qui avait... Puis... Donc il avait mis, je sais pas, des cailloux, un truc en de métal. En effet, c'est pareil. C'est un peu différent. Parce que... La différence. Ouais, ça, je m'en rappelle pas. Non. J'ai aucun souvenir des couleurs. Mais c'est une extension. C'est une extension au champ. Là, et sa femme qui était folle, qui criait, puis qu'on voyait jamais. Et qui a... Et puis, ah oui, un petit monsieur qui était... Et donc, cette maison, et lui qui est devenu très, très religieux. Il y avait du sable aussi. Ben, ça, c'est beau. Donc, il y avait mis, des cailloux, un truc de métal. Cette maison, et là, il y avait des chaloupes. Donc, il était un peu plus... Il y avait... Et on flotte. Ah, ça, c'est... Ah! Il y avait du sable aussi. Parce que... Puis, beaucoup plus facilement que... Et donc, cette maison... Donc, il avait mis, je sais pas, des cailloux, un truc de métal. Et aussi... Eh bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Restez des nôtres. On poursuit cette aventure avec le label Erratum Musical après ce bref battement promotionnel. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, le 89.1, et peut-être aussi que vous écoutez ça sur ckrl.qc.ca, sur la toile. Alors, splendide, je vous rappelle que vous retrouverez toutes les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions archivées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Je vous propose ce soir une incursion dans l'univers sonore du label Erratum Musical. C'est un label animé par l'artiste et poète sonore Joachim Montessuie, qui développe, lui, depuis le début des années 90, une pratique expérimentale autour de la voix, du bruit et de la résonance. Alors, cette plateforme Erratum Musical qu'il anime tend à créer du lien entre des pratiques parfois opposées dans un esprit d'ouverture, de mixage, d'impureté aussi, et de distance critique. C'est un label qui s'affirme comme un territoire de l'utopie, dit-il. Et dans cette veine, je vous propose cette fois, en deuxième demi, un enchaînement de créations tirées d'un album, cette fois intitulé « Delta sonore européen », qui est le résultat d'une résidence artistique itinérante qui s'est déroulée pendant l'été 2008 sur deux bateaux, c'est vraiment intéressant tout de même, sur deux bateaux qui ont remonté simultanément le Rhin et le Danube depuis la mer du Nord et la mer Noire pour finir par se rejoindre à Strasbourg. Donc, 30 artistes internationaux ont été invités à enregistrer leur environnement sonore, invités à enregistrer leurs environnements sonores et à se servir de ces matériaux mis en commun pour composer et produire des concerts tout au long des parcours. À l'arrivée de ce périple, un salon d'écoute flottant, et oui, explore cet archipel de création dont je vous propose ce soir quelques extraits parmi les quelques 40 propositions sonores qu'on retrouve là sur le projet de disque. Alors, on va écouter les créations de Igor Stanglicki, Robert Hampson et de Piotr Talmachou. Alors, on écoute ça. Okay, so silence please. Okay, silence. Thank you. Claude, hein. Eh bien, vous êtes sur les ondes de CKRL, la radio qui aime le son. On écoute ce soir quelques pistes sonores du projet intitulé Delta sonore européen, résultat d'une résidence artistique itinérante qui s'est déroulée pendant l'été 2008 sur deux bateaux qui ont remonté simultanément le Rhin et le Danube depuis la mer du Nord et la mer Noire jusqu'à Strasbourg en France. Très beau périple. Alors, on poursuit l'écoute pour compléter la soirée. Les œuvres, cette fois, de Maria Balabas et de Brandon Labelle. Bon, si on a un peu de temps. Alors voilà, on écoute ces créations. Notre monde n'est pas divin, notre monde n'est pas immortel. Le bateau, oui. Je suis avec un projet oui. Qui s'appelle European Sound Delta. Der Rhein, die beiden Fakten, die uns bringt in Zwitserland. Ja, Stromtor, Duitsland. Nederland en Nederland in Nederland ook weer de Waarden. Ja, de Maas. Alleen maar de Maas. Rotterdam. Rotterdam. Op de Muzel geweest. De Rijten die stappen. Duitsland, Keulen. Marjolein. The only thing I remember from a boat trip we took on the factory. The people were away for flights all the time. I've never been very entertaining. Except for swimming. I didn't swim in it. No swimming in the day. Preuve de l'existence des similaires. The Rhine. What I know most about the Rhine is maybe the legend of the Lorelei, which was the kind of Lorelei name. But it was in Tamchak, when the Rhine sailors with their beauty and their sound. Les sens sont véridiques. I think that's a lovely legend. C'est ça. And what is usually people talking about? What is usually people talking about? Les dieux sont étrangers à notre monde et à sa création. Je suis part d'un projet. L'ordre biologique est sorti du chaos par la force des choses. In English or Okay. Tyskland och där finns en massa viner som är väldigt goda. Tu connais le Rhin? Le gros, the big The Rhin is in Germany and there is a lot of industry around it. Rhin is a small river. That goes from Germany to Germany and into Belgium. Industry around. So we have a lot of smog from there. That's a lot of pollution. Apparently, what I know about it. Okay, you can tell me something in your language if you want. Also. Okay. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des très nombreux créateurs sonores diffusés par la plateforme sonore, le label Erratum Musical. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez sur les plateformes numériques, dont la plateforme Bandcamp. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre belle aventure sonore. Depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. I'm gonna go get some more.